personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, la cité de la musique. La Cité de la Musique a organisé cette année 2004-2005 un cycle de conférences consacré à l'écoute. La musique, en effet, n'est pas seulement un objet de pensée, c'est aussi un lieu spécifique d'invention et de déploiement théorique. C'est pourquoi ce cycle consacré à l'écoute nous permet d'entendre des musiciens, bien sûr, mais aussi des philosophes ou encore des psychanalystes. Ainsi, ce matin, nous écouterons l'intervention du musicologue Alain Poirier, venu en voisin à la Cité de la Musique, puisqu'il dirige le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris depuis juillet 2000. Sa conférence s'intitule « La musique, c'est ce qu'on écoute avec l'intention d'écouter de la musique ». Voici ce qu'il écrit. Partant de cette définition de Luciano Berio, il s'agit d'interroger les stratégies de l'écoute mettant en évidence la qualité d'intention de l'écoutant par-delà les styles, les genres et les époques. L'auditeur, au sens que donne Umberto Eco au lecteur, est bien cet acteur dont l'implication essentielle est proportionnelle aux horizons d'attente. En choisissant d'emprunter à Luciano Berio pour cette conférence consacrée à l'écoute musicale, je souhaite en placer le sujet volontairement sous un angle le plus large possible, toutefois en considérant le compositeur italien comme point d'ancrage, en tentant dans une certaine mesure d'être à l'écoute de Berio. Partant de l'aspect quelque peu provocateur de cette déclaration « la musique, c'est ce qu'on écoute avec l'intention d'écouter de la musique », plusieurs termes de cette apparente boutade, qui n'en est pas une, nécessitent d'abord d'être précisés. Premièrement, le degré de l'intention. C'est l'investissement personnel et la qualité de l'implication de l'auditeur qui est le moteur de cette attitude. L'intention d'écoute que Calvino, dans son propre « Roi à l'écoute », formule aussi à la manière claudelienne « le regard de l'oreille ». Deuxièmement, la musique. Le critère qualitatif est garanti par l'implication de l'auditeur qui confère ainsi valeur de musique à une musique à laquelle il consacre une énergie particulière, quelle que soit l'origine, le style et le genre de cette musique. L'ampleur du champ culturel balayé par Berio lui-même dans son œuvre, des Beatles à Monteverdi ou des folk songs d'origine différente à Mahler, le désigne comme un musicien particulièrement apte à embrasser le vaste phénomène qu'il englobe sous le terme de musique. Troisièmement, écouter de la musique. Le fait de consacrer un temps défini à la musique définit clairement les objectifs d'une véritable stratégie d'écoute active et prenant part au discours musical, et que je vais m'efforcer d'argumenter. En mettant en scène d'emblée la relation entre musique et la participation d'un auditeur, ou pour utiliser un néologisme commode d'un écoutant, soit le sujet défini par son action, Berio désigne enfin ce qui pourrait apparaître comme un truisme, à savoir dans la nécessité de communiquer. La musique, en effet, porte en elle l'acte d'un partage, d'une communication, d'une relation privilégiée entre un auditeur X et une musique Y, depuis celle qui existe entre le consommateur de musique à la mode à celle qui s'établit entre le musicien professionnel et une partition. L'objet de cette réflexion étant d'interroger l'écoute musicale, qu'écoute-t-on, comment écoute-t-on, qui écoute quoi, il peut sembler important de se demander pourquoi l'on s'interroge aujourd'hui sur cette notion et si la question a été posée dans un passé proche ou éloigné. Certes, divers témoignages de compositeurs, d'interprètes ou de commentateurs sont disponibles et éclairent certaines stratégies. Mais peut-on d'abord interroger l'écoute d'un point de vue historique ? Plusieurs musicologues ont tenté, comme le rappelle Rémi Campos, de définir une attitude d'écoute qui renvoie à une étude non seulement historique, mais également sociologique, répartissant clairement les types d'écoute en fonction du rôle social de l'écoutant. Le fait de prendre appui sur l'iconographie permet dans certains cas de cerner des attitudes d'écoute. Pour exemple, le célèbre tableau d'Olivier, présentant le jeune Mozart jouant à Paris en 1766 dans les salons du prince de Conti, entouré d'un public qui semble presque inattentif, au point de se demander si le sujet concerne la musique jouée par le jeune Mozart, ou le jeune Mozart lui-même, suscitant des commentaires chez ceux qui sont alors plus témoins de l'événement qu'auditeurs. Qu'il s'agisse du jeu de la stylisation du peintre, qui se doit de rendre justice aux personnalités présentes en les conservant dans un cadre digne de leur rang, ou de la réelle distance des auditeurs fort peu écoutants, parce que trop peu soucieux de leur rôle, ce premier exemple démontre combien une histoire de l'écoute semble délicate, peut-être au même titre que celle d'une interprétation dite authentique. Un second exemple d'iconographie pourrait être illustré par le tableau tout aussi connu de Danhauser en 1840, montrant dans un autre salon parisien, toutefois plus intime, Liszt au piano, entouré de Musset, Hugo, George Sand, Paganini, Rossini et de Marie Dagou, littéralement couchée au pied du pianiste. La composition met en évidence, grâce à l'opposition entre les couleurs sombres des costumes des personnages et celles claires et tranchées du buste de Beethoven, qui, trônant avec sa couronne de laurier sur le piano, irradie littéralement dans toute la pièce. Toute cette impressionnante assemblée est absorbée, voire sous la domination du discours musical, en présence de ce Beethoven de pierre, tel le commandeur veillant et garantissant la qualité sacralisée de cette écoute. C'est ici l'incarnation du génie beethovenien, comme l'a brillamment démontré Tia Denora, non plus du jeune prodige épatant la galerie, mais du maître défunt et désigné comme nouveau dieu sans lequel aucune musique ne semble désormais concevable. Cette mise en scène de l'écoute tranche brutalement avec les angles précédents par sa dimension quasi-religieuse, Beethoven à la même place que le Christ sur l'autel, et par la dévotion quelque peu païenne de l'attitude des personnages présents. Au contraire de Mozart, de 10 ans dont on admire la précocité, le Beethoven disparu règne en référence incontestée sur le monde de la musique qui, cette fois-ci, mais sous ses conditions, emplit le tableau. Ce glissement d'une écoute polie et condescendante de la noblesse parisienne à l'égard d'un gamin étonnant et prometteur, à celle recueillie et profondément respectueuse de ceux qui s'assurent du parrainage beethovenien, illustre, même si elle est caricaturale dans les deux cas, l'évolution de la façon dont on pouvait représenter l'écoute à plus d'un demi-siècle de distance. Depuis le répertoire des théâtres à l'italienne du XVIIIe siècle, où l'on interrompait les conversations au moment où l'aria, alors qu'on délaissait les récitatifs, jusqu'au récital listien qui impose un concert désormais assuré par un seul soliste, qui en méritera d'autant plus l'admiration de son public, l'écoute a considérablement évolué proportionnellement à l'attitude des auditeurs. On notera que la différence notable de disponibilité d'écoute entre le récitatif et l'air dans l'opéra italien, tout comme la polarisation de l'attention sur celui qui prend en charge à lui seul un récital, procède en un sens du même esprit. Le ou la soliste, l'idée de virtuosité démonstrative, participe en effet de la même fascination pour la prise de risque en public et qui induit une forme de réceptivité qui n'est que partiellement compatible avec une véritable écoute telle qu'elle a été posée initialement. Si l'on revient à l'époque classique, on peut constater au travers de la fierté légendaire de Léopold Mozart pour son fils, comment le public, certes pragois et non viennois, savait manifester son plaisir au point d'interférer dans la représentation, ainsi que le relate avec une fierté contenue le père à sa fille à propos des premières représentations des Noces de Figaro. Lors de la seconde représentation de l'opéra de Ton frère, on a bissé 5 morceaux, et lors de la troisième, 7 morceaux, dans un petit duo qui a dû être chanté 3 fois. Sans se soucier de l'invraisemblance dramatique qui consistait à interrompre le déroulement de la pièce, le public plébiscitait donc le bis d'un numéro, comme s'il confirmait à Mozart le fait que la poésie devait bien être la fille obéissante de la musique, et que la séduction et le charme de la musique guidaient leur attitude. Mozart, lui-même sensible à cette qualité d'écoute et à cette forme d'approbation publique de son talent pour ses propres œuvres, était tout autant un auditeur assidu des ouvrages de ses confrères, même si son attitude pouvait être parfois inattendue, comme en 1787 lorsqu'il assiste à la représentation de Le Gare Generose de Paisiello. Mozart écrit « En ce qui concerne la représentation de cet opéra, je ne peux rien dire de définitif, car j'ai beaucoup bavardé. Mais pourquoi ai-je bavardé contre mon habitude ? La raison vient sans doute de cela. » Le public fut-il des plus avertis que lorsqu'il s'agit de Mozart, dicte donc ses lois quant au mode d'écoute, même si le répertoire à l'époque classique ne nécessitait pas encore de justification ni de démonstration du bien fondé de l'inscription de la nouvelle musique dans le sillage d'une tradition. Ce qui sera par contre le cas, brutalement vécu, au début du XXe siècle, lorsque Schoenberg tentera de convaincre le public viennois de la validité de sa démarche. La fameuse Société d'exécution musicale privée tentera par sa programmation de prendre en charge l'histoire contemporaine tout en s'inscrivant dans une tradition que Schoenberg ne cessera de revendiquer. Bien avant la mise en place de cette société en 1918, des concerts avaient été organisés autour de la musique de Schoenberg afin de diffuser sa propre production et de familiariser le public avec celle-ci. À l'occasion de l'un d'entre eux, Berg, sous forte dépendance des idées de son maître, commente à celui-ci en 1912 le succès d'une de ses séances. À l'Akademischer Verband, ils sont tous fiers et heureux du succès de prestige rencontré par la soirée, si bien qu'ils se sont adressés à moi pour que j'apporte mon concours à l'association comme conseiller musical, en décidant ce qu'il faut jouer et ce qu'il ne faut pas jouer. Pour l'automne prochain, l'association projette notamment les soirées suivantes, et Berg de citer les principales œuvres de Schoenberg qu'il faudrait inscrire dans ses programmes. Et Berg continue ainsi. Il faudrait faire aussi une soirée avec le deuxième quatuor, et toutes les pièces pour piano, et éventuellement la symphonie de chambre. Mais mon principal objectif est maintenant d'éduquer systématiquement le public pour qu'ils comprennent votre musique de mieux en mieux. La soirée avec le quatuor avait été un commencement. Il y aura toujours plus de monde qui sera à la fois enthousiaste et compréhensif, à tel point que le grand cercle de vos supporters inconditionnels permettra l'exécution et le succès de chacune de vos œuvres existantes ainsi que des futures. Outre la mission d'expertise au sens adornien du terme avant la lettre, que l'on trouve dans cet extrait dû à Berg, décider ce qu'il faut jouer et ce qu'il ne faut pas jouer, la mission répondant à la nécessité d'éduquer le public vise bien à façonner une sorte de public idéal, anticipant dans une certaine mesure sur le lecteur idéal dont parlera Umberto Eco. Nous y reviendrons. L'évocation d'Adorno dans ce contexte renvoie au moins à son introduction à la sociologie de la musique, dans laquelle il oppose plusieurs catégories d'écoute, depuis l'écoute structurelle, précisément celle de l'expert, capable de rendre compte des dimensions du langage musical, à l'écoute de divertissement, en tant qu'écoute contemplative et non prospective, en passant par celle plus centriste du bon auditeur, qui saisit nombre d'éléments de l'œuvre sans être pour autant totalement conscient de leurs implications. Entre ces deux extrêmes, le tout et le rien, c'est bien, comme le souligne justement Peter Zendi, la notion d'œuvre qui est le critère le seul valable aux yeux d'Adorno, ce qu'Invarez formulera dans un sens voisin, quoique d'une manière plus directe, dans ses entretiens avec Georges Charbonnier. Ne semble-t-il pas qu'il y ait toujours deux catégories d'œuvres, celles qui répondent aux besoins de distraction et celles qui ne s'en soucient pas? Varèse. Oui, c'est ce que l'on appelle d'une part art et d'autre part entertainment. On m'a dit un jour à Broadway, on vous paie la somme que vous voulez si vous écrivez un show pour Broadway. J'ai dit non. On m'a répondu, comment? Vous snobez une offre semblable? Pas du tout. Pour écrire pour Broadway, il faut un talent spécial et c'est un talent que je n'ai pas. On m'a demandé alors, vous parlez d'art et d'entertainment. Quelle différence faites-vous entre les deux? Écoutez, répond Varèz, nous sommes ici à Broadway, il y a de très belles filles et tous les succès des shows doivent beaucoup à l'anatomie. L'art est en haut, dans les épaules. Entertainment est en bas, dans les hanches. Si la formulation est un peu directe, elle n'en exprime pas moins la différence entre les genres et leurs fonctions, sans ostracisme ni supériorité culturelle. Je n'ai pas ce talent-là, élude rapidement Varèse. Soit, puisque c'est le point de vue adopté par Adorno, partons donc de l'œuvre. Comment l'écoute-t-on? Ou plus précisément, comment réagit-on en situation d'écoute? La notion de genre musical doit être évoquée, associée immédiatement à une seconde notion, celle de la prévisibilité. Selon Umberto Eco, un genre est une convention sociale qui, comme toutes les conventions sociales, engendre des horizons d'attente chez le destinataire, le consommateur de spectacle. Une convention sociale, d'abord, soit celle susceptible de dicter un mode d'écoute, ou au moins un mode d'appréhension que l'on envisage le consommateur de spectacle du côté de Broadway, ou de celui du côté de la Scala. Quant aux horizons d'attente, du moins en termes d'écoute, il suppose que l'auditeur soit en mesure d'apprécier le discours musical en fonction de conventions qu'il maîtrise jusqu'à un certain point. Écoutez, une symphonie ou un quatuor à cordes de l'époque classique demande un minimum de connaissances, d'autant plus simples à acquérir qu'elles sont générales. le nombre de mouvements, l'ordonnance habituelle entre le mouvement vif et le mouvement lent, le caractère respectif de chaque mouvement relèvent de notions élémentaires facilement accessibles parce que justement conventionnelles et redondantes. Plus précisément, écouter un menuet d'une symphonie ou d'un quatuor à cordes de l'époque classique revient à partir d'un schéma convenu et connu de tout auditeur qui possède déjà une première expérience rapidement acquise à partir de l'audition de quelques menuets. Une première partie avec des conventions de reprise, une partie centrale dite contrastante qui repose sur le même schéma de retour et de répétition, et une réexposition quasiment intacte au point qu'elle est indiquée da capo sur les partitions de cette époque. Prendre contact avec un menuet, dont on connaît précisément la place conventionnelle majoritairement adoptée de troisième mouvement, même s'il s'agit d'une partition découverte sur le moment, met alors en jeu cette forme de prévisibilité, qui consiste à déterminer le sens du discours formel et à anticiper sur la perception. Celle-ci fonctionne alors sur le rapport entre la convention et ce que l'on en sait par expérience, et la musique même qui habite ce modèle simple. Tout genre reposant sur de telles conventions formelles, qu'est-ce qu'un rondeau à cette époque, sinon une alternance entre un refrain et divers couplets, ou entre le même et les contrastes, ou entre le reconnu et le découvert, met donc en marche, par acculturation, cette capacité à prévoir, ces horizons d'attente dont parle Echo. Et ce, dès les premières mesures déterminant le caractère et le durellement du discours, jusqu'à la durée moyenne et habituelle du morceau. Dès lors, on admirera d'autant plus la qualité de l'invention de Haydn, pour ne citer qu'un exemple, qui sait conserver l'intérêt en réutilisant les mêmes schémas éculés quelques 104 fois dans ses symphonies. D'autres schémas usités largement à cette époque s'évertuent au contraire à mettre en danger cette même prévisibilité et sollicitent autrement la perception. Nombre de premiers mouvements, voire même de rondeaux du même Haydn, jouent consciemment avec la mémoire afin d'exploiter un sens de la surprise qui prend en défaut la bonne foi de l'auditeur. Dans cet esprit, la musique de Beethoven produit une véritable fracture en élargissant l'intérêt et la densité du discours du premier mouvement à l'ensemble de l'œuvre, élaborant une progression consistant à déplacer progressivement le degré de complexité vers la fin de l'œuvre, qui en deviendra le point culminant. De l'écoute globalisante et fractionnée par mouvement de l'époque antérieure, Beethoven impose désormais une écoute de plus en plus détaillée, en attirant l'attention de l'auditeur sur le moindre détail susceptible de modifier le déroulement du discours. Grâce à la réécoute, notion sur laquelle je reviendrai, la perception gagne en connaissance ce qu'elle risque de perdre en impact de nouveauté et de surprise. La notion de surprise est d'autant plus feinte qu'elle est judicieusement mise en œuvre. Le théâtre de Mozart, pour ne citer que l'un des plus subtils, nous permet, au travers d'une connaissance déjà acquise, d'apprécier les coups de théâtre successifs du final de ce contact des noces de Figaro, comme si chacune des étapes remettant en question la situation précédente était un aboutissement. La véritable manipulation de l'auditeur maîtrisée par Mozart afin que chacune des péripéties apparaisse comme une surprise au travers d'une savante alternance entre les tempos opposés jusqu'à ceux de plus en plus rapides qui accentuent la pression sur le spectateur-auditeur ravi de participer et d'être littéralement emporté par cette accélération rythmique. C'est le plaisir de la surprise dont on connaît la nature, donc assumé dans l'action d'écouter, mais dont on savoure parallèlement l'habileté comme si c'était la première fois, qui rend l'auditeur complice d'une telle stratégie. Au travers de la réécoute, et donc de l'assimilation des ressorts dramatiques, l'écoute s'enrichit du plaisir d'être ainsi téléguidé. Peter Zendy a brillamment démontré le passage de l'écoute de type divertissement à l'écoute de type structurel dans Don Giovanni. Des musiques de table qui accompagnent le dernier dîner de Don Giovanni en une sorte de pot-pourri de quelques succès à la mode, dont une citation fameuse des Noces de Figaro, ponctuée par la remarque malicieuse de Leporello « Ah, celle-là, je ne la connais que trop », jusqu'à l'entrée saisissante du commandeur, au moment où Mozart réclame la réconciliation de l'auditeur avec son écoute structurelle, en reprenant le tout début de l'ouverture, en mettant en jeu sa mémoire à l'échelle de l'œuvre entière. Le contraste brutal est certes aussi musical que dramatique, mais bien renforcé dans son geste, précisément en passant d'une succession de type zapping, comme on dirait aujourd'hui, à la sollicitation de la mémoire de l'auditeur qui passe du stade d'entendant à celui d'écoutant. À un autre degré, on remarquera que Mozart a aussi très subtilement joué avec les conventions, au moment où Don Giovanni se trahit involontairement, alors qu'il dénigre Donna Elvira devant Donna Anna et Don Ottavio. La réaction de Donna Anna, reconnaissant subitement son agresseur, renvoie à une écoute dramatique. les moyens transgressent pourtant l'écoute musicale. Reprenons la réaction de Donna Anna se confiant soudain à Don Ottavio. Les derniers accents que l'impie a proférés rappellent dans mon cœur toute la voix de cet indigne qui dans mon appartement s'est introduite. Tutta la voce, toute la voix. Don Giovanni est effectivement trahi, non pas par son attitude ou son aspect physique, que Donna Anna aurait subitement reconnu, mais bien par sa propre voix, confondue par ses accents qui renvoient en termes techniques moins à une tournure mélodique, à un élément de valeur thématique, qu'au caractère, à l'expression, au timbre d'une voix particularisée et attachée à un personnage et donc à ses actes. La voix qui sera parfois écoutée pour elle-même à l'ère des divas, par la suite, le médium, l'interprète transmetteur, devient ici le sujet principal de l'écoute sélective et le discours musical le prétexte à valoriser cette voix. Car Mozart confirmera cette prééminence de la voix en tant que personnage, car c'est bien Don Giovanni qui chantera aussi au début du deuxième acte à la fenêtre d'Elvira. Elvira idolo mio. En mettant au premier plan Leporello, contraint de prendre son apparence, je pense ici au jeu des acteurs dans le merveilleux film de Lozé, le valet joue malgré lui le rôle de son maître physiquement, pendant que Don Giovanni, en retrait, en assure vocalement le doublage, de telle manière à ce que la femme trompée identifie bien la voix de son mari frivole. La géniale interchangeabilité prévue dès le départ par Mozart entre le maître et son valet, il s'agit de deux rôles pour exactement la même tessiture, à ses limites quand il s'agit de hisser la spécificité vocale au rang de personnage principal. C'est pour cette raison que Don Giovanni, qui maîtrise la séduction de façon autrement plus convaincante que son valet, délègue sa présence physique mais non sa personnalité vocale. La virtuosité engageant ici l'écoute du public complice, autant que celle des personnages féminins mystifiés, une écoute de la voix qui devient dans le cadre d'un opéra un acteur premier, de son timbre et de ses inflexions personnalisées qui trahissent son personnage, tout comme l'on reconnaît immédiatement dans un enregistrement la voix d'une Callas ou d'un Fischer Dieskau à leur qualité propre. La notion de prévisibilité à laquelle se rattache celle d'écoute prospective, une écoute qui va au-devant du discours, est pourtant mise à mal dans le cadre d'écritures polyphoniques, dans lesquelles la durée dépend fondamentalement du détail de l'écriture, dont la forme sera la conséquence, ou dans les développements de type beethovenien dans lesquels le compositeur fait subir à son matériau de telles mutations que toute prévisibilité est prise en défaut. Faut-il également citer le cas de l'or du Rhin, du prélude, limité pendant près de 3 minutes à un unique mi bémol, déployant progressivement ses harmoniques, démarche aussi inhabituelle que caractéristique d'une intention narrative, le déroulement d'une musique dont la justification n'existe qu'en regard d'un argument extra-musical. J'ai évoqué la mise en œuvre de la mémoire dans l'écoute. L'exemple simple de la reprise de l'exposition dans le cas de forme sonate est là à lui seul pour justifier de cette fonction de mémorisation. Dans le cas d'une œuvre non connue de l'auditeur, la reprise met successivement en jeu la découverte du discours la première fois et la reconnaissance la seconde. La réécoute et la familiarisation avec l'œuvre peuvent cependant s'émousser et émousser surtout l'effet de cette reprise dont le discours est déjà parfaitement connu de l'auditeur. C'est l'occasion de glisser ici l'échange entre Brahms reprenant sa deuxième symphonie à Vienne et le jeune Richard Strauss présent en répétition, ce dernier s'étonnant de la consigne de Brahms demandant à l'orchestre de ne pas faire la reprise de l'exposition. Pourquoi supprimez-vous cette reprise aujourd'hui alors que vous l'aviez demandé lors des précédentes exécutions? Et Brahms répond, mais parce que maintenant le public la connaît bien, ça n'est plus nécessaire. Les conventions et les habitudes d'écoute sont d'autant susceptibles de remplir une fonction d'information que de saturer la mémoire dans certains cas. Peut-être d'autant plus à notre époque où, d'une part, les moyens de réécoute individuelle sont des plus répandus, et d'autre part, où l'on entend respecter à la lettre les indications des partitions au prétexte qu'il s'agissait de l'intention de l'auteur. Quelques exceptions restent cependant essentielles quant à la nécessité de respecter la reprise. Le premier mouvement de la sonate à clavier de Beethoven, ou celui de la première symphonie de Brahms, montre en effet comment l'enchaînement de l'exposition à sa propre reprise est d'autant plus important pour la mémoire que la partie centrale de développement reprend le même discours, donc pour la troisième fois, mais à un demi-ton de distance. L'effet voulu de surprise ne prendra tout son sens que si cet enchaînement a bien été inscrit préalablement dans la mémoire, afin que la différence significative puisse prendre tout son sens. J'ai commencé en abordant la notion historique de l'écoute qui, si elle est difficile à apprécier dans sa réception, n'en est pas moins prise en charge si l'on adhère à la remarque de Jean-Jacques Nattier, considérant que toute l'histoire du langage musical occidental est en même temps une histoire de la manière dont les habitudes perceptives antérieures ont été transgressées et dépassées. Quelques-uns des exemples cités précédemment suffiraient à abonder dans ce sens, même si cette apparente régularité de la progression historique est évidemment factice. Conservons surtout cette notion de transgression qui implique que les éléments de continuité, perturbés en l'occurrence, soient encore suffisamment présents à l'écoute pour que l'importance de la distorsion soit reçue comme telle. Cette notion d'habitude d'écoute est en fait au centre de nombre de commentaires qui constatent et critiquent sévèrement les effets, voire les méfaits, de cette transgression. Pour exemple, je voudrais vous proposer deux jugements volontairement juxtaposés. Les sens sont devenus fous, et c'est le résultat qu'obtiennent délibérément tous ces faiseurs de neufs qui, jour et nuit, s'escriment sur leurs instruments à chercher des effets nouveaux. Ils ne comprennent pas que les instruments enseignent du faux et qu'une chose est de chercher à tâtons par le moyen des sens aveugles et une autre est de travailler raisonnablement en s'appuyant sur le bon sens. Les nouvelles règles qui sont maintenant en vigueur et les nouveaux modes qui en découlent rendent la musique moderne désagréable à l'oreille. On entend une diversité de sons, un mélange de voix, une rumeur d'harmonie insupportable au sens. Tout chante. Comment voulez-vous que l'esprit s'y reconnaisse dans ce tourbillon d'expressions ? Deuxième texte. Le besoin de nouveau à tout prix est une maladie de notre époque. Autrefois, dans tous les arts, tous les artistes employaient les mêmes formules, ce qui n'empêchait pas ceux de premier ordre d'affirmer leur personnalité. Ils n'avaient pour cela qu'à s'abandonner à leur nature, car lorsqu'on en a une, on est original, forcément, sans en avoir conscience. Et quand on n'en a pas, la recherche de l'originalité ne conduit qu'au baroque, au barbouillage, au charivari. Il est vrai que par l'accoutumance, des agrégations de sons d'abord intolérables en raison de leur dureté finissent par bien être accueillies. Oui, il est vrai qu'on s'accoutume à tout, à la saleté, au crime même. Mais il y a précisément des choses auxquelles il ne faut pas s'habituer. On est déjà allé trop loin dans l'accoutumance. La particularité de ces deux textes, choisis entre mille, est avant tout de ne pas être aisément identifiable quant à leur date de rédaction, tant les critères avancés semblent invariables à travers les époques. Pourtant, le premier est un extrait d'un pamphlet écrit en 1600, Artusi ou les imperfections de la musique moderne, attaquant violemment Monteverdi, et oppose clairement ces nouvelles règles qui sont maintenant en vigueur au bon sens, soit aux habitudes d'écoute immédiatement antérieures. Quant au second texte, distant de trois siècles, il est dû à Saint-Saëns qui, visant précisément Debussy, révèle son incompréhension à l'écoute de sa musique alors qu'il poursuit dans la même lettre « Le prélude de l'après-midi d'un faune est d'une jolie sonorité, mais on n'y trouve pas la moindre idée musicale proprement dite. Cela ressemble à un morceau de musique comme la palette sur laquelle un peintre a travaillé ressemble à un tableau. » Dans Péléas, où il a supprimé non seulement le chant mais la déclamation, sauf la dernière scène, la musique ne s'accorde nullement avec la pièce. Elle pourrait aussi bien s'adapter à autre chose. Debussy n'a pas créé un style, il a cultivé l'absence de style, de logique et de sens commun. C'est à cela que répond Charles Rosen lorsqu'il avance qu'en histoire de la musique, plus un phénomène est exceptionnel et plus on s'y intéresse, et inversement. Et Debussy lui-même avait déjà devancé le débat en faisant dire à M. Croche « J'essaie d'oublier la musique parce qu'elle me gêne pour entendre celle que je ne connais pas ou que je connaîtrai demain. Pourquoi s'attacher à ce que l'on connaît trop bien ?» Tout ce qui oppose Debussy et Saint-Saëns tient précisément dans le coefficient de prévisibilité qui exige dans un cas que les habitudes d'écoute soient majoritairement reconduites chez Saint-Saëns, alors que dans l'autre cas, elles seront le plus possible évitées. Dans un autre domaine et au-delà des modes d'écoute décrits par Adorno, on pourrait se demander quelles sont les modalités d'une écoute culturelle, comme peut le tenter par exemple un ethnomusicologue tel que Bernard Lanta-Jacob quand il interroge le phénomène de l'oreille jazz. Un musicien classique expert est sans doute incapable de se repérer dans les finesses timbriques de la musique techno et probablement peu sensible à la qualité de swing des jazzmen. À l'inverse, il ne sera pas étonnant de trouver chez ces derniers des surdités occasionnelles portant par exemple sur les grandes formes du répertoire romantique. Aux différents codes culturels correspondent donc des formes d'oreilles sensibilisées à des critères pouvant être radicalement opposées, voire incompatibles entre elles, car elles ne parient pas sur les mêmes horizons d'attente. Le cas précédemment cité de Debussy, écoutant passionnément la musique de Java à l'exposition universelle de 1889, est un exemple de cette acculturation personnelle de l'oreille avec un objet qu'elle a découvert, entendu et domestiqué, pour reprendre les termes de Bernard Lothar Jacob, ou dans lequel, si l'on veut, Debussy s'est d'une certaine manière reconnu. Le phénomène se complique, singulièrement lorsque des caractéristiques relevant de cultures différentes se trouvent confrontées au sein d'une même œuvre. Le cas particulier de November Steps de Takemitsu, qu'il donne en 1967, composé pour un orchestre occidental et deux solistes jouant des instruments traditionnels japonais, biwa et shakuhachi, repose sur une alternance régulière entre les deux mondes culturels, alternance dont les articulations sont limitées à des effets de fondu enchaîné. Indépendamment du potentiel de séduction qui émane de ces deux instruments, dont l'un des deux est très éloigné de notre culture occidentale et de nos habitudes d'écoute, la biwa, instrument à cordes frappées à l'aide d'un plectre, alors que le shakuhachi est incontestablement proche de notre famille des flûtes. Notre écoute sera fortement marquée, notamment par la présence des sons parasites, de par la présence très forte du souffle dans l'émission du son, situé précisément aux antipodes des habitudes de jouer de la flûte dans notre culture occidentale. Plus que les qualités individuelles des deux instrumentistes, c'est au travers de la différence fondamentale des modes de jeu entre pratique occidentale et pratique orientale que l'oreille oscillera d'un monde culturel à l'autre dans le cadre de cette œuvre. L'écoute n'en est pas moins susceptible d'être conditionnée par le geste physique de l'exécutant, ce qui peut être le cas de la biwa, quitte à ce qu'un Stravinsky, dans un jugement très tranché, y voit même un avantage. Pourquoi ne pas suivre des yeux, dit Stravinsky, des mouvements qui, comme ceux du bras du timbalier, du violon, du trombone, vous facilitent la perception auditive? À la vérité, ceux qui prétendent ne jouir pleinement de la musique que les yeux fermés ne l'entendent pas mieux qu'en ayant les yeux ouverts, mais l'absence de distraction visuelle leur donne la possibilité de s'adonner à des rêvasseries sous le bercement des sons, et c'est là qu'ils s'aiment bien mieux que la musique elle-même. On reconnaît là la prise de position chère à l'auteur en faveur d'une objectivité de l'écoute, dont je citerai plus loin un autre exemple de cette même attitude. À croire, entre parenthèses, qu'Alfred Hitchcock avait lu Stravinsky avant de réaliser Un homme qui en savait trop, quand il exploite la progression d'un crescendo à l'orchestre jusqu'à son climax souligné par une cymbale dont on attend le geste et dont l'intensité devra couvrir le bruit d'un coup de feu. Une oreille culturelle est donc un phénomène fortement lié à la pratique des répertoires différents présentés au sein d'un même concert. Pourtant, comme on l'a vu au sujet de Beethoven, les habitudes d'écoute sont particulièrement transgressées dans certaines de ses œuvres, au point que certains de ses contemporains en ont été troublés. L'une des conséquences de cette difficulté nouvelle dans l'écoute tient dans la nécessité corollaire d'informer l'écoute, autant pour l'enrichir que pour tenter d'en justifier la démarche. Le commentaire que fait E.T.A. Hoffmann de la 5e symphonie en 1813 en constitue l'un des premiers exemples historiquement probants. Comme cette prodigieuse composition conduit irrésistiblement l'auditeur par une gradation qui sans cesse l'élève dans le royaume des esprits de l'infini. Rien n'est plus simple que ce motif principal du premier Allegro, qui ne consiste qu'en deux mesures, et n'indique même pas, dans ce début à l'unisson, le ton du morceau à l'auditeur. Quelle simplicité, il faut le dire encore, dans ce thème que le maître a posé comme fondement à tout l'ensemble, et comme toutes les phrases qui le cernent, qui le traversent, viennent merveilleusement se ranger autour de lui, de leur juste proportion rythmique, comme pour exalter toujours davantage le caractère de l'Allegro, que le thème principal n'a fait qu'indiquer. Toutes ces phrases sont courtes, presque toutes consistent en deux ou trois mesures, et encore divisées par la continuelle alternance des instruments avant et à cordes. On croirait que de pareils éléments ne pourra jamais sortir que quelque chose de morcelé, d'insaisissable, et au lieu de cela, c'est justement cette ordonnance de l'ensemble, comme aussi la continuelle et successive répétition des phrases et des accords isolés, qui élève jusqu'au plus haut sommet le sentiment d'un désir ardent, ineffable. Aussi, sans même parler de ce que le maniement du contrepoint témoigne ici d'études profondes de l'art, ce sont bien ces phrases incidentes, ces rappels continuels du thème principal, qui mettent en évidence combien le grand maître a, dans son esprit, saisi et médité l'ensemble en un seul élan passionné. Au travers des caractéristiques décrites par Hoffmann, on peut aisément, en actualisant le vocabulaire, identifier la notion d'unité à partir d'une cellule génératrice, lorsqu'il parle de l'élément thématique qui sert de fondement à tout l'ensemble, de motif cellulaire lorsqu'il pointe l'élément limité à une formule rythmique de deux mesures, ou encore la cohérence du discours, malgré le morcellement extrême auquel prend part aussi l'orchestration. Bref, quelques-uns des critères susceptibles de nourrir la base d'une analyse auditive dont ce texte constitue probablement l'acte de naissance. Le commentaire et la glose se développeront, comme on sait, tout au long du XIXe siècle, avec un bonheur inégal, autant qu'avec une prolixité galopante, au point que Debussy réagira avec la causticité qu'on lui connaît. Je voudrais m'élever contre une coutume qui tente à se montrer à chaque fois que l'on joue une symphonie moderne. On distribue aux auditeurs une analyse thématique de 4 pages, avec texte et nombreux exemples à l'appui. C'est pour ainsi dire la manière de traiter un thème comme il le mérite, et la façon de construire une symphonie mise à la portée de tout le monde. Rien n'empêche qu'en entrant chez soi, l'auditeur un peu doué musicalement ne soit pris du désir coupable d'écrire sa petite symphonie personnelle et ne l'apporte toute chaude à M. Chevillard, incontinent. C'est l'encouragement à la symphonie dans toute son horreur. Au surplus, je crois dangereux d'initier les profanes au secret de la chimie musicale. Il faut avouer d'ailleurs qu'ils regardent la dite analyse thématique les uns avec l'inquiétude que donnerait un explosif, les autres avec une stupéfaction imminente. De plus raisonnables en font un agréable petit vent du Nord ou la mettent simplement dans leur poche, et voilà la vraie morale de l'histoire. La nécessité et la limite de l'écoute informée, ainsi juxtaposée, appelleraient nombre de commentaires sur le ton éminemment romantique du style d'Hoffmann, autant que sur la distinction très nette établie par Debussy entre les profanes et les initiés. Mais ce qui semble apporter dans le cadre de ce sujet consacré à l'écoute tient dans le refus, sous la plume de Debussy, d'un discours réducteur, limité à des données à la fois objectives et sommaires. Cette dernière remarque renvoie indirectement à la notion de culture au sens le plus large pour apprendre une œuvre, au-delà de l'écoute culturelle dont j'ai parlé. Berlioz n'hésite pas en effet à glisser une note préliminaire au ton rédhibitoire en tête de l'épisode « Roméo au tombeau des Capulets » dans son « Roméo et Juliette ». Le public n'a point d'imagination. Les morceaux qui s'adressent seulement à l'imagination n'ont donc point de public. La scène instrumentale suivante est dans ce cas, et je pense qu'il faut la supprimer toutes les fois que cette symphonie ne sera pas exécutée devant un auditoire d'élite, auquel le 5e acte de la tragédie Shakespeare, avec le dénouement de Garrick, est extrêmement familier, et dont le sentiment poétique est très élevé. C'est dire assez qu'elle doit être retranchée 99 fois sur 100. Elle présente d'ailleurs au chef d'orchestre qui voudrait la diriger des difficultés immenses. En conséquence, après le convoi funèbre de Juliette, on fera un instant de silence et on commencera le final. Un acteur essentiel est évidemment mis en avant au travers de ces différents textes, c'est le public. Celui des symphonies de Beethoven, auquel Hoffmann cherche à montrer l'élévation de la pensée de leur auteur. Il s'agit bien de fournir à l'auditeur un sens de ce qu'il faut comprendre, plutôt que d'en rester à la lettre. Le public vu par Debussy, en tant que victime d'une pratique caricaturale et réductrice de ce que peut être la composition musicale. Le public enfin, auquel Berlioz reproche son manque de sentiment poétique, et qui est donc indigne du discours musical proposé, ou au sujet duquel Debussy, exprimant son refus d'une attitude bourgeoise, s'interrogeait toujours ironiquement sur ce besoin instinctif qui trouve son origine à l'âge de pierre de frapper dans nos mains l'une contre l'autre en poussant des cris de guerre pour manifester nos plus beaux enthousiasmes. Dans ces conditions, quel est le comportement du public qui, depuis l'essor de la bourgeoisie, envahit au XIXe siècle les salles d'opéra et de concert, pour des motifs pas toujours guidés par un sentiment artistique, pour reprendre le vocabulaire de Berlioz. Là encore, l'écoute culturelle renvoie à des comportements différents. L'exigence d'un silence quasi-religieux, par exemple. Il est toujours mal vu aujourd'hui d'applaudir à la fin du premier acte de Parsifal à Bayreuth. Précisément, le silence comme condition d'une qualité d'écoute, d'une qualité d'attention, ou comme dernier état du temps pendant lequel résonnent les derniers sons absorbés dans un silence encore musical. Ou à l'inverse, le silence préliminaire du public, préparé par le musicien ou le chef, qui induit cette préparation à l'écoute, par un geste, ou même voire inclus par des compositeurs comme Ligeti, qui le propose au début de son 2e quatuor. La première mesure, notée 10 secondes de silenzio assoluto, le silence absolu, est déjà incluse dans l'exécution. Les 4 instrumentistes étant en position figée, leur posture imposant la qualité d'écoute indispensable. On n'oubliera pas non plus le déchaînement de tout et autres manifestations bruiteuses entre deux mouvements, les sifflets ou les huées qui semblent aujourd'hui déplacés tant il est rare de voir le public réagir, ou à l'opposé la participation active de l'assistance dans un concert de jazz qui ne résiste pas à montrer son enthousiasme après un chorus apprécié pour sa qualité. On pense là indirectement au bis des fragments d'opéra de Mozart. Le concert a imposé depuis longtemps des rituels propres au style et au répertoire, et la distinction des attitudes semble irrémédiatement dictée par des critères autant sociaux que culturels. On pense au savoureux catalogue d'attitudes croquées avec humour par un Hoffnung dans de célèbres dessins qui renouent avec l'esprit des gobies de Callot. Encore que, pour qui a assisté à l'un des fameux concerts des Proms londoniens, le répertoire dit savant peut être accueilli de façon différente selon les modes d'écoute liés à des attitudes culturelles et également nationales. Charles Munch disait aussi combien un applaudissement modéré et très contrôlé à l'issue d'un concert à Amsterdam pouvait correspondre à un triomphe, alors que le déchaînement autrement plus bruyant de la salle dans certains pays latins n'avait pas nécessairement la même force d'approbation. Comme les nombreuses formes de paratextes, les programmes, les notices, les guides d'écoute, les préfaces, etc., que Françoise Escal a notamment analysé en tant que signes et messages constituant un entre-deux, une zone de transaction entre l'œuvre et ses destinataires, les concerts avaient au XIXe littéralement pris en charge la réaction du public en instaurant la claque et en misant sur son pouvoir d'entraînement. Cette pratique ancienne, qui s'est aujourd'hui déplacée des salles de concert vers les plateaux de radio ou de télévision, occupe également in vivo cette zone intermédiaire qui a aussi été exploitée et mise en œuvre par Berio dans Passaggio pour soprano solo, deux chœurs et orchestre, dans lequel le théâtre musical s'engage dans la tentative de rendre encore plus souple le rapport entre public et plateau. Il cherche à instaurer entre eux un rapport quasiment physique. Pour établir le dialogue dans Passaggio, commente Umberto Eco, il y a mêlé au public un chœur, le chœur B, différent du chœur A qui chante dans l'orchestre, qui interfère continuellement avec l'action scénique de la protagoniste, commentant ses gestes et l'interpellant. Le public réel peut avoir à l'égard du chœur une réaction d'opposition irritée, mais ce serait là une attitude superficielle, car ce qu'au contraire les auteurs demandent au public, c'est de se reconnaître dans ce chœur. On nous demande par là une intervention active. Il s'agit de nous rendre compte que les injures ou les appels émis par le chœur B expriment au fond un comportement humain bien précis, auquel, d'une façon ou d'une autre, nous devons nous identifier. Un comportement fait de conformisme, de défense des tabous, d'égoïsme, de paresse intellectuelle, d'adhésion dogmatique à des principes établis. C'est le comportement qui définit le modèle de public que nous avons vu habiter sereinement, le modèle de théâtre d'opéra, réparti dans ses rangs de loges, prêt à accepter l'ordre établi des rapports humains que la structure même de la salle lui suggère. Cette position des auteurs Berio et Sanguinetti pour le texte s'inscrit évidemment dans le contexte des années 60, marqué à l'évidence par l'expérience brechtienne, au travers de ses désirs de renouveler le théâtre ou l'opéra, en rejetant l'attitude passive du public, léguée par la Convention. À l'époque où Boukhreshtchev postulait comme à cette époque que qu'écouter n'est pas subir mais agir, Passaggio et quelques autres œuvres de cette époque tentaient d'obtenir une écoute participative du public, quitte à l'associer aux conditions d'un réel engagement. Un dernier exemple, mais non des moindres, peut illustrer à contrario ce rôle que les organisateurs de concerts entendaient imposer au public. Déjà évoqué, la société d'exécution musicale privée mise en place par Schoenberg en 1918 et dont le prospectus précisait que les exécutions elles-mêmes sont soustraites à l'influence corrompante du public. Ici, les membres ne doivent pas être incités à porter un jugement. Il est au contraire souhaitable de s'affranchir de l'habitude de juger hâtivement pour aller droit à l'essentiel, faire connaissance. Tout jugement public détourne de cet objectif. C'est pourquoi, à tout point de vue, les exécutions ne seront pas publiques. Les exécutions dans la presse sont interdites, de même que la publicité pour des œuvres ou des personnes. Lors des concerts, applaudissements, marques de désapprobation et remerciements sont exclus. Le seul succès auquel l'auteur a droit ici est celui qui doit le plus lui tenir à cœur, de pouvoir se rendre intelligible. Ainsi, à l'opposé de ce que sera la mobilisation du public voulue par Berio, l'expérience extrême de la société schoenbergienne pose le créateur comme une incarnation de la vérité incontestable et incontestée. On pense à nouveau au buste de Beethoven sur le piano de Liszt. Là encore, l'œuvre qu'Adorno plaçait au plus haut degré de l'échelle de valeur est magnifiée dans cette mise en scène de l'adulation des élèves de Schoenberg pour leur maître, transposée dans le cadre semi-public d'une véritable cérémonie musicale. Le public et l'écoute informée conduisent à une nouvelle donne dont il faut absolument tenir compte tant elle a participé à la démocratisation de la musique, l'apparition et le recours à l'enregistrement. Cette première évolution qui a bouleversé les règles dans la chaîne qui relie l'interprète à la diffusion à grande échelle, suivie par la seconde que nous vivons aujourd'hui avec l'accès à des sources multiples et la circulation de l'information à l'échelle planétaire, a eu pour conséquence un changement radical des comportements. par le biais des moyens technologiques qui sont aujourd'hui à notre disposition, la découverte, l'appropriation et la réécoute de la musique ont changé de nature. Examinons-en rapidement les principaux termes. Historiquement d'abord, il faut insister sur le fait que nous disposons aujourd'hui, de plus d'un siècle d'archives sonores, un fonds considérable auquel nous avons partiellement accès aujourd'hui si l'on évoque le rôle des radios qui ont engrangé un nombre incalculable de concerts. À ce niveau, le rôle essentiel de l'enregistrement dans la réception de l'œuvre est à prendre en compte avec toutes les précautions méthodologiques que cela implique. Une remarque il y a quelques années de Pierre Boulez concernant son propre marteau 100 mètres, qu'il a lui-même dirigé à un rythme d'environ une fois tous les 10 ans depuis le premier disque en 1956, et espérant qu'on ne se référera pas trop à cette première prise, tant elle lui paraissait insatisfaisante, montre parfaitement les dangers d'une attitude trop rapidement enthousiaste. Comme la première écoute, qui peut être naïve en raison de la complexité et ou de la densité des informations, un premier enregistrement, plus encore celui de la création de l'œuvre, peut conduire à des confusions d'interprétation graves. L'ambiguïté demeure toutefois dans le maniement de ces traces, au sens que Foucault donne à ce terme, et qui définissent la distance, pas seulement temporelle, qui nous sépare du document consulté, à la fois proche de nous, mais différent de notre actualité. Ensuite, l'attitude de l'écoutant face à cette forme particulière de mémoire rapportée, et non seulement personnelle, change la perception du temps désormais manipulable. À l'intention d'une collectivité et au déroulement en temps réel du concert, le début et la fin du concert coïncident avec le début et la fin du programme, s'oppose une écoute individuelle et plus encore une élasticité du temps différé, dans lequel la continuité du discours, autant que la durée, parallèlement à l'aspect qualitatif de l'investissement personnel, sont les critères qui régissent les conditions de la réécoute. Écouter, réécouter l'œuvre, ce que le disque nous facilite à l'extrême. Ce n'est pas exactement s'y habituer jusqu'à l'indifférence, la satiété ou l'allergie. C'est plutôt la connaître, la reconnaître, l'identifier, se l'identifier, dépasser l'étrangeté, l'obscurité de la première approche, pour se laisser gagner par un mystère fait à la fois d'évidence et d'inexpliqué. Ce dernier commentaire, qui manie avec précaution l'incitation à pratiquer une écoute prospective, est celui du même Boulez, celui qui l'a placé en exergue à certains de ses enregistrements des années 80, qui entre en résonance avec ceux que le même tenait à l'époque du domaine musical pour justifier la réécoute inscrite dans la programmation. Nous estimons, écrivait-il en 1955, urgent dans notre tâche de provoquer des secondes auditions, permettre ainsi chaque saison de reprendre contact avec les grands maîtres comme Webern, Schoenberg, et faire en sorte que cette rencontre soit de plus en plus fructueuse par l'intimité acquise avec des œuvres souvent entendues. Permettre également de se familiariser avec l'univers sonore qui est le propre de la jeune génération. Accompagné parallèlement par une politique discographique dès cette époque du domaine musical, le concert, en tant que lieu incontournable de cette seconde audition, apparaît ainsi à son tour comme l'un des prolongements possibles de l'écoute différée que permet le disque. Une stratégie de diffusion à mettre en relation avec les multiples sens de la notion de répétition dans la conception du domaine musical, de la répétition proprement dite de l'œuvre jusqu'à l'exécution répétée d'un concert à l'autre, voire au sein d'un même programme, ce que Nicolas Donin a justement mis en regard dans le sillage des expériences schoenbergiennes. Et réécoute, deuxième audition, répétition, renvoie à une analyse de la démarche consistant successivement à découvrir, reconnaître, s'approprier, soit de faire sien le discours au point qu'il devienne familier, au travers de la progression de la perception d'un objet à l'audition d'une œuvre et vers l'écoute de la musique que défend François Nicolas, qui postule ainsi pour la troisième écoute qui est la bonne. Le pouvoir de la rémanence, avec pour corollaire le danger de pétrifier l'écoute, forme d'appropriation de la mémoire, dans une pratique limitée à l'enregistrement, donc en l'absence physique des interprètes, a cependant été parfois présenté comme un avantage, encore par Stravinsky, lorsqu'il enregistra lui-même la transcription de ses propres œuvres sur le piano mécanique Pleyela, au début des années 20, puis quelques années plus tard sous forme de disque. Je cite Stravinsky. « Pour éviter dans l'avenir une déformation de mes œuvres par leurs interprètes, j'avais toujours cherché un moyen de poser des limites à une liberté redoutable, surtout répandue de nos jours, et qui empêche le public de se faire une juste idée des intentions de l'auteur. De cette façon, je pouvais fixer pour l'avenir des rapports de mouvement, de tempi, et établir des nuances telles que je les voulais. Avec ces transcriptions, j'ai créé un document durable pouvant servir à ceux des exécutants qui tiennent à connaître mes intentions et à les suivre, plutôt qu'à s'égarer dans des interprétations arbitraires de mon texte musical. » La distinction opérée par Stravinsky ici entre exécutant et interprète en dit long sur son intention d'établir la tradition dans laquelle son œuvre doit être exécutée, sur la fixation d'une norme unique et sur le façonnement univoque de la mémoire qu'elle induit de par cette position. Dans ce cas particulier, comme dans l'usage dévoyé de l'enregistrement compris comme une version définitive, la découverte cède la place à la mémoire et à la plus totale prévisibilité de l'écoute, en prenant le risque de figer d'autant plus une musique qui postulerait sur la spontanéité et le renouvellement. De ces différentes formes d'appropriation par l'écoute de l'œuvre chez Adorno, ou écoute du langage justifiant l'œuvre chez Boulez, il ressort que l'écoutant pourrait être relégué à un second rang, celui qui se contente d'auditionner, si l'on ne tenait pas compte du « j'écoute veut dire aussi écoute-moi » dont parle Roland Barthes. C'est en cela que François Nicolas parle de moment favori, un moment bref et doué d'une intériorité en mouvement, qui permet de renverser la proposition commune de l'écoutant croyant choisir son œuvre en « c'est plutôt l'œuvre qui choisit et ravit son auditeur ». Ainsi, tout comme Duchamp avançait que ce sont les regardeurs qui font la peinture, le véritable sujet en action est bien l'œuvre plus que l'auditeur, ou plus précisément la musique à l'œuvre qui garantit l'immanence de l'écoute. La définition de Berriot qui m'a servi de prétexte était donc d'autant plus pertinente qu'il s'agit moins d'une définition de l'écoute qu'en définitive que de celle de la musique. La musique, c'est ce qu'on écoute avec l'intention d'écouter de la musique. Comme le roi Prospero de Un re in ascolto, un roi à l'écoute, dont l'idée de fonder le propos sur l'écoute est due à Italo Calvino, le texte est manipulé, mis en pièces par Berriot, parce que, dit-il, le texte et la musique doivent avoir chacun leur autonomie, et que la musique doit avoir le dessus. Tu fais bien d'écouter, fait encore dire Calvino à son personnage, de ne pas relâcher un seul instant ton attention, mais sois convaincu de ceci. C'est toi-même que tu es en train d'écouter, c'est au fond de toi que les fantômes prennent voix. Si la musique, c'est ce que l'on écoute avec l'intention d'écouter de la musique, l'écoute est aussi ce que la musique nous révèle de nous-mêmes. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, la Cité de la musique avec Alain Poirier, musicologue. Réalisation Dominique Briffaut. Présentation, Christine Goémé. Children, somebody. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture.